madness feel incredible. I'll turn you to a bride, yeah. D'après le son de Charlie Puth, Don't For Me sur The Radio Listener, soyez les bienvenus. Ça se passe chez vous? Et à 11h15, c'est l'heure de retrouver Michel et son programme télé. Bonjour Michel. Bonjour, c'est jeudi, nous sommes le 21 juin. Aujourd'hui, c'est l'été, c'est la fête de la musique et c'est également la Coupe du Monde. Ce soir, sur TF1, le match Argentine-Croatie. Sur France 2, la fête de la musique. Tous à Nice, avec beaucoup d'artistes. Amir, Big Flo et Oli, Black M, Calogero, Christine and the Queens, Dadjo, Hyphen, Jane, j'en passe. Sur M6, vous retrouverez Le Duo d'Escrocs, un film avec Pierce Brosnan ou encore Emma Thompson. Sur C8, Soirée Belmondo, avec tout d'abord Le Marginal et juste après documentaire La Folle Histoire de Jean-Paul Belmondo. Belmondo également sur TMC ce soir dans le film Le Cerveau avec Bourville. Et juste après, il y aura Le Grand Restaurant avec Louis de Funès. Sur TF1 série film des rodifs de la série Alice Nevers, ce soir la saison 12. Enfin, sur C-Star à 21h, le film Belle Maman, film avec Catherine Deneuve ou encore Vincent Lindon. Très bonne soirée télé à toutes et à tous pour ce jeudi. Merci Michel pour cette actualité télé. 11h16, on continue en musique avec le son de Dennis Lloyd. Nouveau en programmation sur un dessinateur Nevermind. Juste après, il y aura le son de Jonas Blue. Et dans un quart d'heure, on retrouvera Kendra et son actualité info. Et dans une demi-heure, il nous parlera foot. Soyez les bienvenus sur Soir du Seigneur, ça se passe chez vous jusqu'à midi. If I left, then it made no sense. And you tell your friends, and they hold your hands, baby. Never mind. What if I left, then it made no sense. And you tell your friends, and they hold your hands, baby. baby, never mind, never mind. Never mind, never mind, never mind. Après le son de Jonas Blue sur The Ordinaire, soyez les bienvenus. On continue en musique avec, si la musique veut bien partir, LSD, Saya, Diplo and Labyrinth. Le son s'appelle Audio Nador sur The Radio Scénar. 11h22. Dans 8 minutes, c'est Kendra qui arrive avec les actualités. Bienvenue. So just when the world's saying they got no hope, here comes the love. We got audio. We flying high, superhero. That's on my chest with my Marilyn Monroe. Feel like a star. We got audio. Après le son de LSD, Saya, Diplo and Labyrinth sur The Radio Scénar, soyez les bienvenus. Toujours en plein cœur de Ça se passe chez vous entre 10h et 12h du lundi au vendredi sur The Radio Scénar. On va continuer en musique avec le son de Alok, Hear Me Now sur The Radio Scénar. Encore ensemble pour une demi-heure, soyez les bienvenus. forget you hear me now. Après le son de Alok sur The Radio Scénar, soyez les bienvenus. Ça se passe chez vous ? Avec vous jusqu'à midi. À 11h29, c'est l'heure de retrouver Kendra. Les informations ce 21 juin 2018, c'est avec Kendra. Bonjour Kendra. Salut Antoine et salut à tous. Aujourd'hui, on va parler fête de la musique. Et oui, en ce premier jour d'été, on a plusieurs villes de l'agglomération qui mettront en place des animations. La musique résonnera à différents endroits de l'agglomération Scénar. Et pour célébrer l'arrivée de l'été, je vous dévoile le programme de ces villes ce matin. Comme chaque année, l'arrivée de l'été est loin de se faire dans la plus grande discrétion. Entre percussion, DJ ou encore fanfare, les villes de Louviers, Pont-de-l'Arche ou Les Dents promettront d'animer leur centre-ville cet après-midi. Alors à Louviers, on a pris l'habitude de célébrer la fête de la musique au Quinquad, aux quatre coins de la ville, autant de lieux que de goûts musicaux. Autant de lieux que de goûts musicaux pour ceux qui passeront sur Louviers. Début dès 14h avec DJ Set qui animera la rue du Matré du Caso Lounge jusqu'en fin de soirée. De 17h à 19h, les ensembles de l'école de musique de Louviers interpréteront leur répertoire au style baroque, jazz et rock dans le parc de l'école. Retrouvez entre 18h et 19h30 au Modio Café trois groupes qui se succéderont, à savoir Double Spirit, Wawozat et Idriss. Il y aura aussi une whisky party rock à la Maison Clé sur réservation et le collectif Open Blues à la basserie Couleur Café. Dès 19h30, le groupe Modulo, un groupe de rock and variété, animera le restaurant au Taj Mahal, place de la République. Et une grande scène sera installée place de la Halle par la gare aux musiques. Les artistes attendus sont 220 volts, un groupe de funk rock, Roots Redeem à partir de 20h30, groupe de reggae, et Barbe Noire à partir de 21h30. Du côté de Pont-de-l'Arche, vous attend la fanfare Kalina qui animera la place à Saint-Langlois de 19h à 22h. Créée en juillet 2017, Kalina est une formation originale. Composée de 8 musiciens professionnels, cette fanfare se distingue grâce à son répertoire mélangeant l'influence funky et une saveur tropicale chère aux Antilles. Un mélange de begin, mazurka, de zouk ou de compa, la fanfare Kalina propose une musique métisse, dynamique et dansante au parfum exotique des Caraïbes. Les Dents, quant à eux, vous font profiter cette année à la place de la mairie de 19h à 23h. Des groupes et des musiciens volontaires de la commune ou de la région, bien sûr. Vous pourrez également danser sur vos musiques préférées tout en vous restaurant. Terre de Bord organise aussi une fête de la musique. Le comité des fêtes de Toast organisera quant à eux leur fête de la musique le dimanche 24 juin 2018 de 14h à 18h à la salle polyvalente de la ville ou en extérieur si les conditions climatiques sont bien. Vous y retrouverez cette année encore trois groupes aux styles musicaux différents. Cette année, on a Endless, un groupe de pop rock, Clémence B et Toons. Les concerts sont gratuits et ouverts à tous. Ils célèbrent la musique vivante et met en valeur la diversité des genres musicaux. Enfin, le Vaudreuil sera aussi en fête cet après-midi en début de soirée. Place du Général de Gaulle et place Édouard Labelle. Place du Général de Gaulle à partir de 18h30, vous retrouvez une activité Zumba animée par Fun Fitness jusqu'à 19h30 qui sera suivie par une soirée dansante animée par DJ Festi Grigri. Du côté de la place Édouard Labelle, à partir de 18h30 jusqu'à minuit, retrouvez le Canton Cloud qui chante les années 80. Au restaurant Le Boujou, rue du Général de Gaulle, retrouvez de 19h jusqu'à 22h30 trois groupes. Un piano solo jazz avec Romuald Boutelier, The Angies et ensuite le swing et ensuite le Swing 276, le trio piano, guitare, chant, non, qui interprétera des standards du répertoire swing et chansons françaises. Voilà pour le programme de la fête de la musique dans l'agglomération Senneur cette année. Merci Kandrad pour cette information. Actualité. On te retrouve demain en même heure, c'est ça? Ouais, mais tout à l'heure aussi pour le point sur la Coupe exactement, du Monde. Dans un quart d'heure, le point sur la Coupe du Monde, on le fera avec toi en direct sur The Radio Senneur. En attendant, on continue en musique avec le son de Meghan Trainor qui arrive. Bienvenue. Meghan Trainor, New Excuses sur The Radio Senneur, 11h34. Still got time.

Ils veulent tirer sur nos rêves. Ils le font pour de vrai. Le mal ne connaît pas la grève. Le mal est dans les traits. Les petits préparent la relève pendant qu'on cherche la paix. Ce monde n'a plus d'âme. Ce monde n'a plus d'âme. Sauvez-moi ici, je crève. J'ai plus grand. Je veux déployer mes ailes. M'envoler. Je suis tellement seul, ça m'obsède. Je cherche la paix. On fait semblant, nos cœurs s'aident. On est tous des mères. Avant que la lumière s'éteigne. J'ai tout à donner. Défendez-moi un peu de rêve. J'ai plus grand. Je cherche la paix. Je cherche la paix. Les choix c'est marche ou crève. On veut juste exister. Ils ont peur qu'on s'élève. Comme ça vous négligez. Et toutes nos séquelles que rien ne peut réparer. Dis-moi du pense en c'est lequel. Qui dit la vérité. Ce monde n'a plus d'âme. Ce monde n'a plus d'âme. Sauvez-moi ici, je crève. J'ai plus grand. Je veux déployer mes ailes. M'envoler. Je suis tellement seul, ça m'obsède. Je cherche la paix. On fait semblant, nos cœurs s'aident. On est tous des mères. Avant que la lumière s'éteigne. J'ai tout à donner. Défendez-moi un peu de rêve. J'ai plus grand. Je cherche la paix. Ils veulent nous contrôler. Ils veulent nous faire taire. Je cherche la paix. Tout miser pour toucher nos rêves. Qu'est-ce que ça peut faire si on veut quitter l'enfer? Dominer pour toucher nos rêves. Tendez-moi un peu de rêve. J'ai plus de temps. Sauvez-moi ici, je crève. J'ai plus grand. Je veux déployer mes ailes. M'envoler. Je suis tellement seul, ça m'obsède. Je cherche la paix. On fait semblant, nos cœurs s'aident. On est tous des mères. Avant que la lumière s'éteigne. J'ai tout à donner. Je cherche la paix, le bonheur, quitter l'enfer. Ici j'ai peur, je cherche la paix, le bonheur, non, non, non. Je cherche la paix, le bonheur, quitter l'enfer. Ici j'ai peur, je cherche la paix, le bonheur, non, non, non. À 11h46, on va parler de foot sur The Radio Seigneur. Ça se passe chez vous ? Retrouvez votre émission en replay sur scène-heure.zoradio.net. Vita avec le Docapéo, c'est ce qui vient de se passer. Kandra, on va parler de foot maintenant. Comment ça va, mon cher Kandra? Ça va très bien. Il y avait un petit débat en antenne sur la télé-réalité, rien d'important. Mais bon, on n'est pas tous d'accord et puis on débat en antenne parfois, ça nous arrive pendant les disques. Bref, on va parler de Coupe du Monde. Kandra, qu'est-ce qu'il y a hier comme match? Donc hier, Luis Suarez a permis à l'Uruguay de s'imposer contre l'Arabie Saoudite 1-0 et de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Comme contre l'Égypte, l'Uruguay s'est contenté du strict minimum ce mercredi contre l'Arabie Saoudite. C'est Luis Suarez qui a inscrit l'unique but de la rencontre et par la même occasion débloqué son compteur de buts pour ce mondial. L'attaquant du FC Barcelone à l'affût a profité d'une sortie aérienne ratée du gardien saoudien pour pousser et marquer son premier but sur un corner frappé par Carlos Sanchez à la 23e minute. Une équipe uruguayenne gestionnaire et des Saoudiens volontaires, mais limitée. La Céleste montre d'ailleurs un visage assez poussif depuis le début de ce mondial. Les partenaires de Cavani vont devoir impérativement hausser leur niveau de jeu dès le prochain match face au pays hôte qui est la Russie. Bravo Antoine. Du côté, un match Portugal-Maroc qui s'est aussi terminé sur un 1-0. La formation portugaise a battu son concurrent sur le score grâce à une réalisation de Cristiano Ronaldo qui marque son quatrième but en deux matchs dans la Coupe du Monde. Ce résultat permet au Portugal de s'installer à la première place du groupe B avec 4 points. L'équipe marocaine est quant à elle occupe la dernière place avec 0 points à un match de la fin de la phase de poule. Ronaldo a marqué de la tête l'unique but de la rencontre à la 4ème minute suite à une passe de Moutinho. Adrien Silva a été sanctionné d'un carton jaune à la 92e minute, comme Benatia à la 40e. Les Lions de l'Atlas se sont révélés un peu plus agressifs que les Portugais dans ce match, avec 4 tirs cadrés pour 14 frappes contre 2 sur 7 pour les Portugais. La possession a été assez équilibrée avec 47% pour les Portugais et 53% pour les Marocains. Enfin, du côté du match Iran-Espagne, le dernier match de la soirée, on a une équipe d'Espagne qui a longtemps lutté face à une équipe iranienne bien en place défensivement, mais La Roja, pour qui la victoire était impérative, s'en sort finalement grâce à son buteur Diego Costa à la 54e. Grâce à cette victoire, les Espagnols font un pas vers les 8e de finale de ce mondial, sauvé par un but involontaire puisque Diego Costa a mis le but parce que la balle a rebondi sur sa jambe en fait après avoir rebondi sur un défenseur iranien. En plus, qui a été sauvé par l'assistance vidéo qui ont annulé un but iranien cause d'un hors-jeu. La Roja compte désormais 4 points, soit autant que le Portugal. Après avoir outrageusement dominé, la Roja aurait pu tout perdre, bien sûr, avec la reprise de volée de Eza Tolahi. C'est tout pour ce qui s'est passé hier. On a des matchs qui arrivent aujourd'hui. Et oui, voilà, ouais. Retrouvez cet après-midi le match Danemark contre l'Australie à 14h. On a aussi le deuxième match de l'équipe de France aujourd'hui à aller soutenir les Bleus France à Pérou. 17h contre le Pérou. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et pour finir ce soir, Argentine-Croatie à 20h qui sera diffusé en direct sur TF1. Et bah c'est super. Merci Kandra pour ces actualités foot. De rien. On reparlera foot un petit peu plus tard demain. Ouais, voilà, bon, à chaque point tous les jours sur les matchs qui sont passés. Un petit point régulier. Et sur les matchs qu'il va y avoir, voilà. Eh bien, merci beaucoup. On continue en musique avec le son de Alpharben qui arrive. Il y aura aussi Ariana Grande, puis plein d'autres. Soyez les bienvenus sur The Radio Seigneur, c'est ça se passe chez vous. On est ensemble jusqu'à midi. When the sun had left and the winter came and the sky fall could only bring the rain, I sat in darkness, all broken hearted. I couldn't find a day, I didn't feel alone. I never meant to cry, started losing hope somehow, baby. You broke through and saved me, you're an angel. Tell me you'll never leave it, 'cause you're the first thing I know I can't believe. deserves a good woman. And I want you to be my wife. Time is so much better spent, baby, with a woman just like you in my life. So let me love you. Fill me up inside, I wanna hold you, baby. I see you. I can't find the words to tell you so. I love, I love, I love, I love, I love you, baby. And I just got to let you know how much I need you. Show me what you mean to me each day, baby. Baby, baby, baby. Oh. And when I told you, girl, I'm an average guy, you seem to know just how I really feel. Cause I can't let you go. I want you, stay right here with me. Baby, I never knew love until you came along. Casanova, I am not your Casanova. Me and Romeo have never been friends. Can't you see how much I really love you? I'm gonna sing it to you time and time again. Oh, Casanova. Take your time. I'm the one that's like a tender light. Don't want to boss you dipping with the light my eye black.